colère monte, je leur fais honte. Les avis sont partis, je ne les ai pas suivis. Tous font pareil, la sourde oreille.